Eh bien, bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir d'être là à chaque semaine. Je dis ça souvent, mais c'est vrai, j'aime ça faire cette émission-là, j'aime ça partager la richesse de la musique franco-canadienne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pour vous du Joseph Edgar, Isabelle Cyr, Chloé Bro, l'album La Semaine, Raphaël Buckler. J'ai aussi, du côté de l'Ontario, McLean, Mélissande, Justin Lacroix Band dans l'Ouest, Postscript, Jeremy and the Delicious Sound, et côté instrumental, bien sûr, j'ai de la musique instrumentale, j'ai du Christine Tassan et des Imposteurs et Cervantes. Donc, bougez pas, je vous reviens dans quelques instants avec le bloc des Maritimes, Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne, à quelques secondes. Comment ça va? Très content d'être ici. Comme à l'habitude, permettez-moi de remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous et de vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup, directeur, directrice de programmation des stations suivantes. CKJM chez Tican, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CKMA Miramichi au Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario, Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CLS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Et bien entendu, si vous avez des commentaires, des suggestions, même des contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à Canrock, cdnacommercial@gmail.com. Allons-y avec le bloc des Maritimes. On commence ça avec M. Joseph Edgar, qui a eu des petits pépins de santé dernièrement, mais je pense qu'il est en train de bien se rétablir. On lui souhaite justement un prompt rétablissement, mon cher Joseph. Donc, on va l'entendre avec tout simplement tout ce que j'ai pu dire. Par la suite, on va entendre Ronald Bourgeois, viens avec moi. Ronald Bourgeois qui célébrait son 63e anniversaire de naissance, je pense, c'est en début de semaine. Donc, bonne fête, mon cher Ronald. Et ça fait une petite secoue, je ne l'ai pas vu. C'est un gars très sympathique, bien le fun. Donc, on va jouer sa musique avec grand plaisir. Viens avec moi. Mais juste avant, voici Joseph Edgar. Je disais que je vous aimais, je ne disais pas juste pour le dire. Je vous le jure que je le croyais comme un capitaine en son navire. Mais malgré le mal de mer, malgré les vents d'enfer, malgré les misères, malgré les délires, vous pouvez croire que j'ai pu vous dire. Quand je disais que nos amours brillaient aussi fort que les astres, je vous le jure que j'étais j'étais sûr que je ne changerais jamais de place. Malgré les explosions, malgré les ouragans, malgré les confusions, dépit de nourrir, il reste que notre histoire n'était pas si pire. Il reste que notre histoire n'était pas si pire. Vous pouvez croire en tout ce que j'ai pu dire. Vous pouvez croire en tout ce que j'ai pu dire. Vous pouvez croire en tout ce que j'ai pu dire. Vous pouvez croire en tout ce que j'ai pu dire. Et quand le jour arrivera que je serai sur mon lit de mort, mes yeux tourneront vers la fenêtre pour fixer l'horizon encore. Tous les regrets, les moments imparfaits, malgré les portes qui claquaient, je garderai les bons souvenirs. Et vous pourrez croire en tout ce que j'ai pu dire. Et vous pourrez croire en tout ce que j'ai pu vous dire. Et vous pourrez croire. Sur le bord de la petite rivière, toute la semaine à travailler cher, c'est dur d'oublier sa misère. Viens avec mon valet danser, comme on faisait quand t'es jeune, toute la nuit on était sous le charme de l'amour et les jours courent et la terre est tourne en attendant le paradis, l'espoir porté par la vie. Avec moi on va s'envoler, aller jouer dans les étoiles, se saouler de liberté, s'amuser comme des ivres. Viens avec moi on va s'envoler, aller jouer avec les anges, briller comme des étoiles filantes et déchirer le firmament. Et les jours courent et la terre elle tourne en attendant le paradis, l'espoir porté par la vie. Et les jours courent et la t'attend dans le paradis. Laisse-toi porter par la vie. On attend dans le paradis. Laisse-toi porter par la vie. Bien, avec moi, Ronald Bourgeois. Toujours un plaisir de jouer cette chanson-là. Un gars très sympathique. Un auteur-compositeur-interprète acadien. Un des grands auteurs-compositeurs-interprètes acadiens qui a écrit pour lui, mais aussi pour d'autres personnes. Donc, Ronald Bourgeois. Maintenant, on y va du côté d'Isabelle Cyr. Écoutez, quand on fait de la route, des fois, ça peut être long. Je me souviens, lorsque j'étais pisteur radio, je me suis promené à quelques reprises comme ça pour faire de la promotion radio. Et des fois, ça peut être long, hein, la route. Donc, on se désennuie de façon particulière des fois, comme le petit vidéo que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook de CanRock, C-A-N, Trédition, R-O-C-K, bien sûr. C'est Isabelle Cyr qui et son copain qui célèbrent le fait qu'ils ont fait 300 000 kilomètres pour la tournée Pays d'abondance. Donc, on va écouter justement une chanson de cet album-là. Voici Isabelle Cyr, De mes amours. Le soleil s'est levé, j'ai eu envie de chanter toute la journée. Le soleil s'est levé, j'ai eu envie de danser en toute liberté. Je plie bagage, je prends du vin, le vent, le large. J'ai mes pensées. La route est longue, mais je m'en fous. Je file, je cours, voir le monde qui me courtise, qui me grise. Je change d'air, de refrain, je ne vois plus clair. Ça fait du bien de me laisser tourner la tête. Je ris, je pleure un peu de mes amours, de ma folie. Je te regarde, je m'éloigne, j'entends enfin sonner l'alarme au fond de moi. Je sais que j'aime. Je me balance dans le vent, peu d'importance. Ce qui m'attend, je sens la fête qui m'entraîne. Et je ris, je pleure un peu de mes amours, de ma folie. Le soleil s'est levé, j'ai eu envie de chanter toute la journée. Le soleil s'est levé, j'ai eu envie de danser en toute liberté. De mes bagages, j'ai bu le vin, le vent, le large. J'ai mes pensées. La vie renferme des secrets comme une fleur dans un carnet que l'on relit, que l'on referme. Et je réclame l'aventure, elle me rappelle, elle me rassure que dans mon cœur le rêve veille. Je ris, je pleure un peu de mes amours, de ma folie. J'ai rangé dans ma valise tous les morceaux de mon histoire. Une dernière fois, senti la brise, celle du large qui berce ma mémoire. J'ai laissé tout derrière pour aller voir ailleurs. Des fois que changer d'affraie que ma vie serait meilleure. Dépasser mes frontières, vu le monde qu'une chose a déclaré. J'ai laissé mon d'espoir et avec beaucoup de rêves, comme si la vie était une course contre l'amour et que le trésor est caché dans ta cour. J'ai cherché bien trop loin pour trouver le chemin qui m'amène à la terre, à la vie, à la mer. J'ai fouillé tous les coins, remonté les charmante Amélie Hall. Si vous aimez du country chanté par des femmes, écrit par des femmes, ben, je pense que vous allez aimer ça. L'album, c'est Cultiver l'amour, disponible sûrement sur Distribution Plage, www.plage.net. Cultiver l'amour de Amélie Hall, très bel album. Et la chanson qu'on vient d'entendre, c'est tout simplement Mon cœur en Acadie. Très, très, très belle balade. On y va maintenant avec Chloé Brault et sa pièce West, tirée de son album Love. Et j'ai pu comprendre qu'elle est où elle a été faire un tour au festival Pause Guitare dans le sud de la France. Elle a partagé un petit clip là qui vous donne un peu un aperçu de l'énergie qu'on peut retrouver dans ce festival-là. Donc, bien content pour elle. Et puis, on va entendre cette belle chanson qui s'appelle Wes. Chloé Brault qui a fait, bien sûr, partie de Accro de la chanson, tout comme la dernière qui va terminer le bloc, c'est-à-dire Émilie Landry, qu'on va entendre avec tout simplement « Tu pars avec ma tête ». Mais pour l'instant, voici Chloé Brault, « Wes ». Réveillée par les roues des valises qui graffinent mon plancher. Le rituel, un dernier bec sur le front. Papa, il doit partir prendre l'avion. West, amène le port. Je te vois et je tombe dans les bras de la première personne qui me l'étendra encore une fois. Enivré de toi, quand je te donne mon corps, tu pars avec ma tête. J'ai fait le matin, je regrette. Oh, oh, oh, oh, oh. Pour me sauver de toi, j'ai dû faire la grève. Tu feras quoi de moi quand je boirai de ta sève? En argent, en estime, en mal de tête, en déprime. Quand je te donne mon corps, tu pars avec ma tête. Ça recommence encore, je sais pas où ça l'arrête. Je regrette. Qu'est-ce que j'ai fait? Le matin, je regrette.